to ba fe la mo luwe a to te barake fa sura to na furule chema to te barake fa sura atama jugo flesa ma jugo flesa tobira ha bubara obe butara bo asama atama jugo flesa tobira ha ayele jugo flesa tobira Kamelendo Bobara Anya Yesu Muruba, Sumuru Mulubale kwa kumba dimina. Anya Yesu Muruba so. Sumuru Mulubale kwa kumba dimina. Anya ye kamele ba. Sumuru Mulubale kwa kumba dimina. Anya ye kamele ba so. Sunguru dimi tebe to e ngo ko pira ne mele to wele Sunguru dimi tebe to e ngo ko pira ne mele to wele Sunguru nimi teme to e wo bo bira ne mele to wele

Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et c'est l'émission Les Échangeurs d'air. Vous avez entendu dans le dernier bloc Chop Up du collectif Rocket Juice and the Moon. Le groupe est constitué de Flea des Red Hot Chili Peppers, de Damon Albarn du groupe Blur et Gorillaz et de Tony Allen, le célèbre percussionniste qui a accompagné Fela Kuti. Cet extrait de l'album Rocket Juice and the Moon, un album qui est paru en 2012. Ça a été précédé par Neptune, mettant en vedette Sirin Tip, du groupe suédois Music is the Weapon. C'est extrait de l'album Sweet Choral Motion, un album paru en 2016. On a débuté le bloc avec Lamentation, des Belges Colonel Jafar. C'est extrait de l'album Cold Heat, un album paru en 2021. On poursuit avec les Congolais Kasai All-Stars. Oh, yeah.